Encore lisse. C'est bien compliqué d'avoir la cam comme faux. Bon. Bon, Chris, là, j'ai ça. Ça te gosse-tu, toi, dans les films, quand que. Tu sais, il parle dans une webcam, mais il regarde carré dans l'écran. Mais c'est quand même. Tu sais, les yeux sont directement dans la webcam, comme si c'était normal que ça filme dans le milieu de l'écran, là. Puis il se parle comme. Ah oh oui, c'est super aujourd'hui, blablabla. Bla, bla, avec les yeux bien fixes, comme ça marche pas de même. Fuck you, webcam, tu le vois, Chris, que quelqu'un regarde jamais, comme dans le milieu. Ouais, c'est ça, c'est normal. Là. Tout le monde, tu regardes tout le temps la personne, pas la cam. Hein. Non, c'est ça. Tes yeux devraient dévier un peu, en ce moment. Ouais. Bref. Un jour, il faudrait qu'ils fassent des écrans caméra. Ouais, ben ça doit exister. Mais ça existe parce qu'ils servent de ça comme télésouffleur, des fois, dans les studios de télé. Ouais. Ouais, j'en ai déjà vu. Que le télésouffleur est directement dans la lentille. Pas dans la lentille, mais il y a comme une espèce d'écran face à la lentille. Mmh. Hey, j'ai visité Radio-Canada quand j'étais jeune. Oh, un expert! Tabarnak, je sais de quoi je parle. Non, mais hey, on parle de webcam, parce que là, on essaie de quoi cette semaine? On a des webcams. On se voit. Nous autres, on se voit. Fait que ça change absolument rien pour vous autres. Parce que là, faut que je casse la magie, là, Chris. On faisait ça sur Skype. Désolé. C'est plate de même? Non, ben c'est ça. Ouais, Slack, en fait. Ouais, d'habitude, c'est Slack, mais là, Slack supporte pas les cams. Mm. Fait qu'on essaye sur Skype. Ouais, on va espérer que ça bug pas, parce qu'on avait switché, parce que Skype, il se déconnectait souvent. Mais ça, c'était de ma faute aussi, parce que... Là, avant, j'enregistrais dans le bureau à ma blonde, puis c'était juste du Wi-Fi qui se rend là. Ah. Fait que c'est ça, mais là, je le fais tant dans mon bureau, sauf que des fois, on entend le fond de la télé. Il y a 2-3 épisodes que t'entends Chris Mann, Narcos. Ah, j'allais dire Nachos. C'est pas... Ben, pas le même... Pas non, la même non, émission, c'est ça, ouais. C'est exact, un nom. Le roi de la salsa. Mais ça, t'entends Chris Mann ça en fond, que chaque fois que je parle, t'entends des cris pis des affaires tout croche. Mais, en tout cas, ouais, ça sonne... Ça n'est correct, là. Ça fait très professionnel. Mm-hmm. Ben, on est connus pour ça, nous. Ben oui, je pense que c'est clairement pour ça que le monde nous suive. Mm-hmm. Mmh. Et cette personne, hey, on est rendu à combien sur Balado Québec? On n'est pas, en fait, on n'est pas dans le top 5. Non, je sais, je parle sur 5. L'autre jour, on était à 3.08, je pense. Je pense qu'on est encore à 3.08. Mmh, on n'a pas eu de nouveau vote, je vérifie. Allez, je me lance. Nice. Là, comme je vois la webcam maintenant, puis je peux te voir, je vois vraiment que tu te lances littéralement, là. Exactement. Quand même impressionnant. Ah ouais, 3.08. Pas de nouveau vote. Et voilà, je viens de donner un 5. Je pensais pas qu'elle allait le prendre. Moi, ça marche plus. Oh. Moi, si même si mon téléphone ou à l'ordi, ça marche pas. Là, j'écris ça comme si je passais mes journées à aller voter pour monter notre score sur Balado Québec. C'est tout le temps. Fait que, hey, bienvenue à l'épisode 26. C'est le fun. Allô? C'est le fun que tu me montres ton chat dans la webcam. Pis que moi, je vais réagir à quelque chose qui se passe de visuel. Que... Ouais. Parle, Molly. Je pense que. C'est-tu un bruit de chat ou? Non, parle pas, là. Ok. Mais une crise de chance qu'on montre pas ça. On aurait pu le montrer puis faire une version vidéo, mais tu sais, c'est parce que là. C'est pas glorieux, là, en arrêt de moi, le rack à linge. Tu sais, ça fait dur, là. Mais nous, on est pas... Trois putes. Oh, ouais. Je me demandais qu'est-ce qui bougeait dans le fond d'écran. Les trois danseuses en arrière. Je pensais que c'était un green screen. Oh non, ça, on l'a pour vrai. Ça coûte cher. Ça me coûte 3 heures. Chris, 3 heures. Oui, parce que ça prend 3 heures d'enregistrer. Non, mais c'est une heure, après. Mais ils sont trois. Ah, ok. Je pensais que t'avais payé 3 heures pour après le podcast. Nah. Qu'il fasse la vaisselle. Puis... Mais non. Si je me fais gâter, c'est live. Ok. Attends qu'on switch à faire des épisodes vidéo. Là. Ouais, c'est ça. C'est clair que ça va arriver parce qu'il se passe tellement d'affaires visuellement. Oh, Chris! Oh, ben... hey! Aïe, aïe! Mais bon, comment tu fais ça avec une main? Wow! Hey, épisode 26, fais-moi donc un jeu de mots avec 26. Un party de saucisse. C'est même pas un peu, calé. C'est même pas un peu. Ok, ben... Même pas un peu quoi? Mais même pas, c'est même pas un party de saucisse. C'est même pas un peu un jeu de mots. Non, ça rime. Ah, ben... Moi, je fais des rimes. Peut-être que les gens vont penser que c'est des jeux de mots. Hein. C'est quelqu'un qui... 20 de 6 sortes de raisins. Hein? Mais tu fais juste utiliser... Ça marche pas, j'ai rajouté 2 en plus. 20 de 6? Mais non, tu peux dire... Ah, qu'il est bon, ce vin de Sicile. Non, mais encore là. Non. T'as dit 20 dossiers. Mais là, tu dis 26. C'est... Tu dis-tu 26? Ouais. Mais... ouais. Bienvenue ouais, à l'épisode c'est... 26. T'as raison. T'es, non, t'écris 26, mais tu dis pas 26. C'est ouais, sûr que quelqu'un qui s'appelle 26, Vincent, tu dis pas 26. Vincent, mais tu sais. Ouais, ouais. On dit... C'est vrai. Compliqué en tabarnak, là, mais... Ah, oh, les nombres. Ben, c'est ça, c'est l'épisode spécial sur les nombres. Ben non, c'est l'épisode spécial sur... Ben nombre. Ben nombre sur Halloween. Oui. Ah, le film, non. Non, juste les... Ben, plus ou moins. C'est juste parce que il sort la semaine de l'Halloween. Ouais. T'as-tu des... Veux-tu commencer sur quelque chose? Je veux pas, on dirait, je veux pas tout passer. Hey, passe ma liste, là. Ben, je vais t'avouer, là, cette semaine, je suis tellement juste stressé, hein. J'ai encore moins que d'habitude. Mais je vais arrêter de parler maintenant, non? Ouais, mais c'est, genre, ça m'obsède. Je suis tellement stressé à cause de l'avion. Hein. Ben, je pars en voyage en Europe. Ouais, c'est cette semaine, là? C'est dans quoi, 4 jours? Ben, c'est 2 jours. Où je pars vendredi. Oh, fuck! Ouais. Oh, yeah! Ouais, parce que là, on enregistre ça le mercredi le 26. Ça va sortir dans une semaine, dans le fond. Ouais. Puis, ouais. Mais c'est fou, genre, on a checké, c'est 6h50 d'avion. OK. Puis pour aller au Saguenay, c'est 7h30, genre. En autobus. Ouais, non. C'est ça, c'est pas pareil, mais c'est fou. Pourquoi tu vas pas au Saguenay en avion? Ça va être cher. Ouais, ça va être cher. Ben, il y a une... Ouais, non, je pense, non. Il y a comme un... Il y a un aéroport à Bagotville, mais... C'est pas à côté, là, c'est genre une demi-heure. Bagotville. D'ailleurs, ouais. On salue tout le monde de Bagotville qui nous... Notre public cible. Ben, c'était ça. Depuis le début, je le dis. Fait pour Bagot. Ouais, ben... Mais c'est juste l'avion qui stresse ou c'est vraiment ouais, juste ouais. Précisément l'avion? C'est vraiment... Pas, ouais, ouais. Pas rien ouais. Dans le voyage, pas nope. Rencontrer ouais, la famille à ta blonde. Quand je vais sortir de l'avion, oui. Mais quand une fois que ça va être fait, je vais être comme, OK, je suis pas mort. Fuck, tout ça! Là, là-bas, c'est surtout oh, que, fuck, faut fait... que je reprenne l'avion pour revenir, je parle juste ouais, à c'est ça. Non, mais souvent, c'est j'ai plus peur d'avoir peur quasiment, fait que quand je suis dans l'avion, c'est déjà, c'est moins pire. OK. Mais, c'est ça, l'affaire, c'est, en arrivant là-bas, je rencontre, j'ai déjà vu sa famille, sa mère, son père, tout ça. OK. Mais on s'en va chez ses grands-parents où il va avoir toute sa famille okay, c'est au complet. Tout le monde, tout le monde est inclus là-dedans. Toi, tu vas être la après, personne après, exotique. Ah, oh, mais mon accent, ça va être joli. Je vais m'amuser à en mettre. Allez, dis tabernacle, dis. Ouais, c'est ça. Allez, répète. Mangeons de la malle, calice. Faites donc bien simple, vous. Qu'il est dingue. Ah, c'est ça, je vais être... C'est sûr, je vais être une bête de foire, genre. Ah, Chris, c'est sûr, hein. Genre, ils vont être là avec le bâton. Pouc, pouc, pouc. Ah ouais, il parle drôle! Voilà. C'est comment allez, d'habiter nourrir. Dans... C'est comment d'habiter dans des igloos? Allez, sois rigolo! Et tu... Pouc, pouc. Dis, tu manges du caribou? Ça goûte quoi, le caribou? J'ai jamais mangé de caribou. Vous... T'as déjà mangé? Je pense que j'ai goûté une fois quand j'étais petit chez ma grand-mère. Ça goûte la viande de bois, là. Ah. Ok, ah, ouais, dans ce sens-là. Mais tu dis ça, cette expression-là, la viande de bois? Genre, c'est ben, gamey, en anglais, là. C'est ça goûte la viande, ben, genre. Ben, je sais ce que tu veux dire, je sais ce que tu veux dire, mais est-ce que je dis ça? Ben, c'est rare que je parle de viande de cerf ou de caribou, là. La petite gobelette, il faut qu'il plug ça à chaque crise de conversation. Je travaille en anime. Ah là, il me reste 24 frames à celle-là, je fais ma pause là. Ouais, mais la viande! C'est... Viande sauvage! J'ai mangé ça du caribou, esti! T'as une retake. La viande de bois. Viande de bois? Tu dis ça, toi, viande de bois? Non, mais Chris, je suis même pas sûr. J'ai déjà mangé de l'orignal ou whatever, même du cheval, ouais. Je sais pas. Ouais, je sais plus si c'était j'ai déjà goûté à du cheval aussi. Mais je pense que c'était en fondu, je veux dire, genre, c'est comme ça goûte le bouillon. Mais ça goûte tomber le bouillon, hein, c'est-tu de viande de cheval? Comme le du lapin aussi, c'est un peu... Ça dépend comment il a été élevé, mais ça goûte aussi gamey-ish. Mettons un lapin de Pet Shop. Ça goûte quoi, ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un lapin, tu mousses? On dirait que c'est un des pires pets que tu peux pas avoir. Là. Ouais, c'est, ouais. Mais ça me. J'ai même pas qu'il me coupe le doigt, genre. C'est pas des petites dents, là. Ouais. Mais tu sais, ça fait quoi à part être stressé? Ouais, je sais pas, des crottes. Ben ouais, mais tu sais, c'est... des petites crottes. Pout, pout, pout, pout. Mais tu sais, il me semble, tu vois ça, c'est sûr qu'en animalerie, c'est le contexte est poche parce qu'ils doivent être stressés tout le temps d'être entourés de monde, mais tu sais, Chris... Ouais, peut-être. Ton lapin, à part être stressé puis se faire prendre, tu sais, même, tu sais, il fera pas des tours, là. Il fait juste... Ouais, j'avoue. Il fait juste être une motte, puis ouais, il mange des carottes, puis il chie des petits bois. Parce que, mettons, tu sais... Un rat, c'est le fun parce que ça peut se promener sur toi et ça va partout. C'est ça, c'est plus lapin, social. Il fait pas ça. Mais c'est ça, exact. Je sais pas. J'ai jamais eu je de sais lapin. Pas, ouais, c'est. Non plus. Propriétaire de lapin, écrivez-nous. Encore une fois, on fait plus nos recherches nous autres. Je pense même. Que c'est de la merde. Hein. Pas tant le fun. Hein. De la merde en crise, les lapins. C'est ça. Ça, c'est notre statement cette semaine. La merde, les lapins. Demain, dans le Journal de Montréal, les sorbets se prononcent. Les lapins. Se prononcent. De la merde, ça. Sur les lapins. En plus, tu dis ça en ayant ton chat dans tes bras. Ouais, mais elle veut se faire coller. Elle va être toute seule. Ah non, c'est vrai. La laisser... Non, chez Jérémy va venir la chercher pour l'avoir okay. chez eux pendant 2 semaines. Y a-tu déjà des chats? Non. OK. Ben, y en a eu toute sa jeunesse chez ses parents, puis il en veut un, fait que ça fait un bon test drive aussi pour voir s'il est okay. bon. Mais pas s'il est bon, mais s'il a la place chez eux. S'il est bon. Sans rapport, il est bon. Mathieu, excuse-moi, c'est t'as ça. Plus de chat. Ouais, c'est, je l'ai raté, excuse. Je sais pas si, ça a l'air que j'étais pas bon. Ça a l'air que j'ai essayé des affaires, fallait pas. Savais-tu, ça brûle, ça, des chats. C'est pas aussi élastique qu'on pense. Ouais, c'est ça. Mathieu, tu sais, quand ils disent qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. Non. Je veux dire, à partir de 23 étages. Ouais, c'est ça. Ils font jamais de hauteur, hein. Dur à savoir. Je trouvais qu'elle avait de la misère à 17. Oh, petit pauvre, hein, Bruno. Mais c'est con, man. Je trouve ça tellement dur d'avoir à la laisser. Hein. Comme depuis que je l'ai eue, tu sais, elle avait 2 mois, elle était minuscule. Ouais. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais fait de garder. Je suis jamais parti plus que comme 2-3 jours. Hein. OK. Fait que soit je l'amenais, soit que je la laissais chez nous avec la bouffe. Hein. Mais c'est tout, genre, comme plus qu'une semaine, hein, ça va être difficile. Mon bébé! Je sais pas si ça va sûrement être difficile pour elle aussi. Ouais, je pense aussi un peu. Hein. Elle va te bouder. Je sais pas. Ouais, c'est que tu reviennes. Fuck you! Elle va coller Jérémy. Vu ouais. qu'elle m'a jamais boudé. Je suis déjà parti une semaine, je pense. OK. En fait. Puis elle boude pas, là. Elle vient se coller, puis... Étais-tu over contente quand t'étais revenu? Je sais plus. Ah, oh, belle peau. C'est vague. C'est une anecdote plate. J'ai bien dit anecdote. T'as dit quoi? J'ai voulu dire anecdote, mais ça fait anecdote. Ok, j'étais pas... Je pensais aussi que t'avais inventé un mot. Hein. Non. Là, je remarque, depuis tantôt, je parlais loin du micro. Faut que ça se peut que ça sonne le cul depuis ce bout-là. Désolé. Oh, wow. Au pire... ouais, moi, j'espère que c'est assez fort. Ben moi je t'entends bien là. Ben moi aussi ça je sais pas pourquoi sur ma track ça enregistre vraiment pas fort aujourd'hui, mais ça a l'air correct. Au pire je vais le booster là puis. Ouais, je pense que... Ouais, non, c'est correct. Ouais. On entendra Gilmore Girls en fond si tu veux. Lucie écoute ça aussi cette semaine. Ben c'est parce que là, il y a le reboot, ouais. Mais la suite là, qui sort sur Netflix dans un mois. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que toutes les filles sont en train d'écouter ça. Ça retaper les. C'est quoi, c'est 7 saisons? Ouais, je pense ça. Là, il capote tout sur le dos de... Oh, il y a une calotte, pis il y a une chemise carottée, il est donc chaud! je trouve ça... Ça a le même feeling du début à la fin, on dirait. Comme, on dirait tout le temps que c'est comme... Ah, faut qu'on soit sarcastique. je sais pas, j'ai juste vu comme les premiers épisodes que ma blonde a vu. J'ai pas vu les derniers. Ouais, c'est comme ça. Comme saison 7. Ouais, j'ai vu comme des petits bouts de temps en temps, pis ça... On dirait tout le temps que c'est les mêmes dialogues. Là. OK. Je sais pas, peut-être que je l'ai... J'ai pas écouté pour vrai, là, mais c'est... Ouais, c'est quand tu l'écoutes pour vrai, tu comprends toute la sensibilité et la subtilité. Ouais, j'imagine. Dans les textes. Je pense, oui. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Si quelqu'un peut nous écrire pour nous dire si ça vaut la peine ou pas, en étant des garçons blancs... Privilégiés. Ouais, c'est ça, les privilèges, c'est important. Fait random que j'avais noté il y a une couple de semaines, mais c'est dans mes notes, fait qu'on voudrait faut que je le dise parce qu'il faut que ça sorte. Sur l'autoroute l'autre jour, on a croisé une Yaris rouge qui avait un collant de taureau en arrière, puis un lettrage rose marqué Pink Floyd, puis il y avait des lignes chromées puis gold. Je sais pas c'est qui, mais c'était fucking lettre là, je comprends même pas. C'est quoi le collant de taureau sur une Yaris? Chris, j'en ai beaucoup. Qui est dehors pour 100 pièces de cochonnerie collées sur son char. Aïe, aïe. Mettrais-tu 100 pièces de cochonnerie sur une Yaris? Je collerais rien sur mon char, on dirait. Mais moi non plus. Ça, ça coûte trop cher. Mais c'est jamais beau. Ouais, en plus. C'est jamais beau. Mais tu sais, des stripes de compagnie, peut-être, là. Mais je trouve ça un peu. Je trouve pas ça beau tant que ça. Ouais, à moins que tu sois payé pour, là. Tu sais, genre, si tu fais de la pub ou quelque chose de genre, pis il paye pour avoir de quoi sur son char, ok. Ouais, mais là, es-tu payé par un taureau, tu penses? Non. C'est l'association des taureaux. Ça, c'est un groupe privilégié. En quoi, hein? Ben, en Chris, en corne? Ouais, c'est ça. Je sais pas de corne, de taureau. Je sais pas qu'elle Mais c'est ça, j'avais... On est courant dans cet univers. Ben, j'avais rien d'autre à rajouter là-dessus. Fallait que je l'enlève de mes notes. Là, ça fait trois semaines qu'il était... C'est même plus un B-side, là, c'est un C-side de notes. C'est correct. C'est... Qu'est-ce que tu veux? J'allais voir si j'en ai aussi. Désolé. J'étais allé en fin de semaine. Ma blonde nous a payé une chambre d'hôtel. Parce que ça faisait 8 ans en fin de semaine qu'on était ensemble. La journée de ta fête, en fait. Ouais. Fait que ça me donne une raison à toutes les années pour pas aller à ta fête. Ouais, c'est ça. Mais ça, ma blonde nous a payé une chambre d'hôtel. À Tremblant. Puis ouais. Même elle était surprise. C'était finalement, c'est sûr que c'est une saison morte, mais dans le sens, c'était une belle chambre avec une suite, puis une petite cuisinette, puis un petit gros bain, puis il y avait deux lits. Puis Chris, on a dormi chacun dans nos lits, genre. C'est-tu weird? Séparé? Oui! Séparé? C'était deux lits séparés. Parce qu'on s'est dit, là, on n'a pas rien fait, là. Mais tu sais, quand il est venu le temps de dormir. Oh! Mais quand il est venu le temps de dormir, on a dormi chacun. Parce qu'on s'est vraiment posé la question comme, Chris, on a l'occasion les deux de dormir en étoile ensemble. Tu sais? Parce qu'on n'a pas, c'est pas, on a pas un lit queen. C'est queen, king queen. En tout cas, on a le double. Un king queen double. Nous autres, c'est double. Fait que c'est quand même petit. Ok, c'est pas si gros. Ouais. Mais c'est ça, exact. Fait que là, on s'est dit, oh fuck it. Là, on va en profiter. On demande chacun notre bar. Tu sais, c'était correct. Les deux, on dormait en étoile. Puis les deux, on était bien. Mais genre, c'est-tu bizarre? Est-ce que ça faisait comme vieux couple de 90 ans qui dorment chacun de leur bord dans leur maison, puis c'est normal? Enfin bien dormi! Mais c'est même pas dans... Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens qu'on dort mal d'habitude, mais c'était juste comme l'occasion faisait que c'était comme... Ouais. C'était cocasse. Ouais, en tout cas, c'était... C'est... J'aime ça, ouais, dormir de même. Je fais pas ça tout le temps, mais tu sais, comme c'était spécial, on dirait que c'était ça passait. Ouais. Ouais, je sais pas, j'aime tellement ça coller Lucie. Hein. Quand je me réveille en tête, c'est comme « Oh yeah! » Ouais, mais on avait mangé du tabarnak, fait que quand je mange beaucoup, genre... Quand je mange beaucoup, j'ai chaud. Fait que je peux pas me coller, genre sinon je suis comme, okay. Tu sais, je suis dégueulasse, là. Ouais, j'avoue. Fait que pour dans le fond, c'était juste parfait. Ouais. Parce qu'on avait comme l'été, ça, c'est moins le fun coller aussi. Ouais, comme, non, c'est ça. T'es dessus, pis c'est comme... La personne se tourne, puis là tu te colles le dos, puis t'es comme « Oh wow, t'as chaud, hell! » T'es mouillé. Tu tournes, puis ça enlève tout le drap, puis ça roule avec toi. Hein. T'es mouillé, pas le fun. t'as même plus de sens à tes oreillers, t'as essayé les deux oreillers, toutes les barres sont toutes trempées. Ou encore là, les oreilles. Ouais, c'est ça. Ça fait ça quand t'es sort. Je pense que c'était l'effet sonore le plus accurate. Adéquat, ouais. Merci. En allant à Tremblant, on est allé dans un team. Puis c'est juste que le gars qui m'a donné... Tu dis une bang? Non, non. À Tremblant, ils disent pas une bang. Ils sont pas retardés. Ça Tout le Saguenay. Shout-out au Saguenay. Non, mais c'est... Tu sais, quand tu commandes au team, là, c'est le gars qui fait les sandwichs qui va te donner les sandwichs. Ben là, c'est le gars, il me donne les sandwichs, je sais plus quand tu en as pris des, ou peu importe, là, sandwich club à la team, genre. Il me le donne, puis là, j'ai dit merci, mais le gars, il parle en anglais, il m'a dit Turkey Bacon Club, whatever. Puis, merci. Puis là, il me dit bienvenue. Puis là, c'est le coup, j'ai tellement regardé qu'une phase de qu'est-ce que tu viens de dire, je comprends pas. Puis là, il sentait mal, puis là, il dit ben bienvenue. Ah, oh, fuck! T'étais super poli. Puis là, je te regarde comme je suis un esti québécois qui me dit comme parle-moi français! Comme, je me sentais crissement mal. Comme, je m'excuse. Là, lui, j'ai peut-être gâché sa journée. Il m'a vraiment regardé comme face de fuck que je viens de faire. Genre, c'est un esti de séparatiste, là, qui est freak, là, qui veut vraiment que je parle en français. Puis, tu sais, il s'est forcé. J'ai dit. Tu sais, oh, j'étais comme, je me sentais mal, là, puis j'ai répondu comme un peu mal à l'aise. Oh, thanks, là, genre, puis là, je suis parti, là, puis comme, fuck, là. J'ai gâché sa vie à ce gars-là. Ouais. Je suis désolé. Là, ah, mais, ouais. Ah, c'est dur, les interactions avec les gens. C'est comme, il y a un. Je travaille avec un nouveau coéquipier, mettons, pour un projet pendant 2 semaines. Mm-hmm. 2 ou 3 semaines. Puis des fois, quand il fait des trucs, je fais des trucs qu'il aime ou des affaires de main, il est comme, oh, thank you, Matt. Là, il fait comme un fist bump. Ah! Oh! Mais il a pas l'air. En plus, il a pas l'air de ça pantoute. Ça a pas l'air de quelqu'un comme de. Je sais pas, comme assez hip pour faire des fist bumps. Et moi, okay. Je suis tout le temps comme. Tu sais, ça se voit dans ma face, c'est que je suis pas à l'aise. Je fais comme. Poup! Avec mon. Comme, avec mon poing, mais super lent. Puis c'est comme. Oh. Fait que tu te retrouves à le faire pareil, juste en retard. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, un mini moment d'hésitation que tu le sais, c'est comme. Mais il s'en rend compte? Ben, sûrement, il a arrêté. Il l'a fait genre deux, trois fois. Et là, j'étais comme. Faut que. Ah, si, j'aime pas ça. Est-ce que j'haïs les poignées de main et les fist bumps, man? Ouais, je sais. Moi, sérieusement, là, si je pouvais aller, tu sais, dans une situation sociale, entre guillemets, si je pouvais juste arriver là, je téléporter là, puis je dis pas salut à personne, je suis juste là. Puis je peux partir, téléporter aussi, puis je dis pas bye à personne, ça serait le paradis. Mais c'est les. C'est pas ça, Irish goodbye. Tu te lèves, tu t'en vas. Ben ça se peut, Chris. J'ai peut-être du sang irlandais, là, parce que. Ah non, moi c'est ça que je fais souvent. Man. Ben moi aussi. C'est ça que j'aime le plus, parce que. Ouais, moi aussi. Tout le monde s'en crisse que tu t'en vas. Ben c'est ça, exact, là. Tout le monde s'en crisse, puis j'haïs être introduit, puis j'haïs m'introduire, puis j'haïs partir, j'haïs introduire que je pars. Ça me dérange pas de parler avec du monde, ça me tente pas de me rendre. Tu sais, pour me rendre à ce point-là, faut que je traverse le style début marde malaisant qui me fait tout le temps capoter du Chris parce qu'on dirait que je suis socialement inapte. Si on prendra personne. Ouais. Mais c'est. Moi c'est plus et je trouve que c'est. Mais c'est ça, c'est inutile, pis c'est genre juste là parce que le monde on entend. Tu sais, savent qu'il faut faire ça parce que c'est bien vu. Ouais. Et genre, tout le monde s'en crisse, c'est comme si tu peux parler à des gens, tu sais. Puis c'est comme quand je vais quelque part avec ma blonde, c'est comme du monde qu'elle connaît pas. Je vais pas faire le tour de lui, ça c'est. Lui, non, c'est ça, ouais. Ça c'est tel ou ça. Non, c'est encore les tues, genre. C'est ça, j'aime pas ça. Au pire, il parlera, là. Mais c'est ça, mais c'est parce que. Mais je pense qu'on est pas tous de même. J'imagine que ça. C'est sûr qu'il y a un groupe de personnes qui vont faire comme. Chris, sont-ils sauvages, genre? Pourquoi ils se présentent pas? Pourquoi qu'ils. C'est quoi, là? C'est quoi son petit problème, là? Ouais, ben peut-être, mais en même temps, pourquoi, tu sais, dans le sens, pourquoi eux, ils aiment tant ça? Ils sont donc ben bons! Ben, je pense que c'est normal, tu sais, c'est juste, c'est pas nous autres, je pense. Ouais, mais c'est juste la forme, tu sais, dans le sens, c'est juste parce que t'as appris ça, mettons, à l'école, ben tes parents t'ont dit qu'il fallait faire ça, mais c'est inutile. Ben, ouais. Ça rend plus le monde mal à l'aise qu'autre chose, pis c'est tout le temps genre, tu sais, je me suis forcé à rentrer pour dire salut, c'est quand je peux m'en aller, ou ben tu sais, c'est comme salut, ah, oh, salut, moi c'est ta personne, tu t'en vas-tu là ou tu continues, genre? Ouais, non, ouais. Oh. Tu sais, comme viens me parler si, genre, je sais pas, tu veux me parler. Mais tu sais, si tu parles à quelqu'un, tu peux pas partir là, genre, tu sais, si t'es dans, tu sais, je pense partir sans dire bye, ça va dans un groupe. Mais si oui. Tu parles à une personne, à un moment donné, il est comme moi, ouais, ça en fait. Il s'en va. C'est ça. C'est qui, Chris? La personne qui reste là, fait comme tabarnak, j'étais donc bien plate. Non. Non, mais c'est plus quand. Moi, c'est plus dans le sens de quand l'étiquette fait en sorte que c'est encore plus awkward, justement, devoir te présenter à du monde. Ouais. Tu dis une phrase, tu vois clairement qu'il n'y a aucun lien. Mais là, t'es comme, je peux pas juste partir comme ça, j'ai dit salut mon nom, pis c'est tout. Genre, faut que je trouve de quoi. Puis là, les deux sont comme. C'est ouais, non, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pas non plus. Parce que c'est comme, c'est bête du Christ, salut. Mon nom, moi, c'est Mathieu. Ouais. Tu sais, là. Bah, puis il est parti, genre. Ben, c'est pour ça que tout le monde a des bières, je pense. Hein. On dirait qu'il faut que tu prennes une gorgée s'il se passe quelque chose. Comme ça, ok. Ah, puis là, tu t'étouffes, tu t'en vas. Excuse-moi. T'es parti. Que il faut que j'aille aux toilettes avec ton sac? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut que j'aille prendre mon insuline. Putain, ouais, là, tu fais croire à tout le monde que t'as le diabète comme ça. Ouais. Ah, oh, il y a le diabète, ça doit, il est gros. Oh, ça se voit. Elle savait aussi. Petite grosse diabétique. Ah, oh, il va être content au gâteau. Ouais, c'est ça. Chris, il est pas revenu. Il est mort dans les toilettes. Peut-être mort. Peut-être après, peut-être aller au resto, Westy. Il avait pas assez des petites bouchées fancy. C'est ça. Il a tout mangé le buffet, là. Il a encore faim. Hey, c'est un tout peu triste. Tout ça parce qu'il s'est introduit. Non, oui, Chris, c'est ça. S'il n'aurait rien dit, il aurait pu juste partir, puis... C'est ça. C'est triste, quoi? Je sais pas. Non, c'est pas... triste. Mais c'était... Non, c'était juste du remplissage. Je savais pas comment poursuivre de ça. Mais, ah, ben, dans le même ordre, oui, quand même. Dans une semaine, deux, ben là... En tout cas, c'est dans deux fins de semaine, je pense. C'est le Podcast Mania. Ou Mania, faut-tu dire Mania? Podcast Je le rate de genre deux jours, man. C'est ça, tu vas rater ça, c'est triste. Ouais. Mais genre, j'ai envie d'y aller en même temps. Là, je veux pas forcer ma blonde à écouter des podcasts qu'elle écoute pas. C'est « Ah, viens écouter des CDR et le stream, jamais content, ça te tente dessus. Ben, je les connais pas. » Mais ils sont pas si... Tu sais, au moins, c'est pas des trucs qui suivent. Hein, dans le sens, t'es pas obligé de connaître ce qui s'est passé avant ou des trucs comme ça. Là. Non, c'est sûr, comme mais... Si des restes, ce qui est le fun, c'est ça. Genre, tu peux en pogner au hasard, puis c'est aussi bon. Là. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, comme... Moi, des CDR, c'est peut-être moins pire, vu que c'est comme... ça va être peut-être plus comme un gros party, mais mettons comme quelque chose comme Jamais Content ou le stream, on dirait faut que tu sois déjà familier avec comment ils sont puis qu'est-ce qu'ils font, parce ouais, que quelqu'un qui vient d'extérieur, je sais pas si ouais. Je sais pas s'il va juste faire comme mais... what the fuck là, genre c'est au pire c'est vraiment juste du monde qui chiale tout le temps. Ouais, c'est peut-être ça que je vais faire, mais tu sais ouais, faudrait ça. Bref, si vous me cherchez Podcast Mania, je suis sûrement le gars qui parle à la personne qui regarde à terre. Ah, là, tu vas sûrement être le seul. C'est ça, au Geekfest, c'est sûr que je suis le seul. Il va y avoir une personne qui va se prendre Stéphane? Ouais, c'est ça. Stéphane? Okay. J'ai juste essayé de te trouver. Je vais prendre... Ah, man, je vais mettre ma cocarde qu'on avait au MIGS. Les sorbets du caractère mou. C'est marqué les sorbets du caractère mou, puis je pense c'est que vrai, mon nom... Je l'ai encore, la mienne. Nice, ok, je vais mettre ça. Non, donne-moi la tienne. Bonjour, c'est moi, Mathieu. Ça, c'est ça. Ils savent vous pas. Êtes les... Ils savent pas quoi qu'on ressemble. Ils savent même pas. Ils savent même ben pas oui, mon nom. Ben oui, t'as mis nos photos sur. Ouais, on sait pas qui est qui. C'est ça, exact. Ben, trouvez qui est qui, puis écrivez-nous, on vous envoie un t-shirt. Ben, en même temps, on dit nos noms tout le temps. Il y a juste à checker sur Facebook. On dit pas nos noms tout le temps, justement. On parlait tantôt qu'on aime pas se présenter. Je suis même pas sûr, man. Je pense qu'un épisode sur deux, on se présente pas. Moi, j'aime pas. Mmh. En général, j'aime pas me présenter autant dans un podcast qu'en personne. J'allais dire mon nom. Ouais. Ben, ouais, on peut-tu juste dire salut? Au niveau où il faut faire comme si on était des animateurs, genre. Ouais, mais je pense qu'il faut. Bienvenue, on est le blada, Non, mais je pense pas que tu sois rendu au niveau. Tu sais, si on se rend 16 épisodes, va chier qu'au centième, on va faire comme bonjour, bienvenue au sommet du caractère mou, Mathieu, cette semaine, tu sais, comme. Non, mais ça va être peut-être plus à un niveau d'alaise puis de parler qu'on va... Tu sais, juste depuis le début, on a quand même amélioré notre diction puis l'enregistrement puis... Mais pas de temps, la diction. Pas de temps, la diction, sérieusement. Moi, ça vacille d'épisode en épisode. Il y a des épisodes que j'articule plus parce qu'on dirait que je suis conscient. Puis il y a d'autres épisodes, man, je sonne comme quelqu'un qui déboule les marches à l'infini, là. ça dépend du nombre de bières que je bois. Ben, moi aussi, je pensais au début, ça. Surtout, hein. Moi aussi, je pensais ça, mais j'ai pas bu rien la semaine passée, puis je pense que dans les épisodes, j'articule le moins. J'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que tu... Force-toi! En tout cas, là, je dis ça, puis je sais même pas que ça... Là, ça fait quoi? Une demi-heure qu'on enregistre, c'est sûr que c'est tout de la petite scrap. Que tout le long on entend. Ouais, ça, je suis allé là, Chris, je veux pas me saluer, mais là. Ouais, oh, pourquoi je m'ignore, maintenant? Ah, Chris, ça enregistrait pas, c'était pas fan d'ordi. Hey, mais ça, on est chanceux, hein, que, tu sais, on enregistre nous autres chacun notre track, pis jamais on a chié de quoi pour que ça n'enregistre pas, pis ça aurait pu. Chris, t'as un clic, là, tu sais, c'est. Ouais. C'est, on utilise Reaper, fait que quand tu finis tu à enregistrer. Escape, ça enregistre pas, là. Non. Je sais pas. Mais tu sais, quand tu fais stop, ça fait une petite boîte qui te dit, veux-tu garder l'audio? T'es à un clic, tu sais, si tu trompes de truc, t'es à un clic qu'il délite pis ben, tu le perds. Si tu payes sur record, ça la garde, ça te met pas la box. Hein? Ça fait juste arrêter l'enregistrement où ce qui est. Si tu cliques sur record, reclique dessus. C'est stop, il te demande. Ouais, mais. Record, ça fait rien. Ouais. Ouais, faut que ça save le fichier, non? Ben oui, ça le save. Dans le sens, je pense que quand tu repisses le record, ça fait le garder point. Genre. Ah, ok. Ah, ben, je vais peut-être faire ça de bord. Là, on dirait que j'ai peur de peser dessus, j'ai peur que ça explose. Parce que ouais, non, non, touche pas. Wild! Décalé. C'est ça. Là, on se retrouve. Les deux tracks, je m'en rends pas compte, puis les deux, on parle en même temps. Charge le rate. C'est à 0.8. Bonjour. Hey, ça ressemble à un nouveau personnage. Ça. Hey, on s'excuse pour la semaine passée pour les personnages. C'était un essai, puis jamais, on est désolé. Je trouve ça le fun de faire ça. C'est juste que ouais, je veux pas que le monde fasse comme. Tu sais, on mentionne souvent des CDR, mais ils vont faire comme Chris, il essaie d'embêter de copier des CDR. Ouais, tu sais, j'avais. Ah, man, je m'étais dit, je pourrais commencer l'épisode. Bon, quel podcast qu'on copie cette semaine? le petit bonheur, ok, là on va enregistrer 5 épisodes en un, on va splitter. Les sobères! J'ai-tu révélé un secret, là? Ça, c'est... Bah oui, c'est sûr que tout le monde dort chez Chuck, Steve, puis il enregistre 20 minutes, je pense. La joke c'est ça, mais c'est pas ça, bref, en tout cas, c'est même pas... Moi, j'ai ma nouvelle chronique, je lis les posts sur IGA. vas-y, Étienne Forêt. Non, c'est pas... Moi, je vais parler du box-office. Oh! Oh! Non, mais Chris, ok, là, tant qu'à partir sur des nouvelles chroniques, là, je pense que c'est un segue vers ma nouvelle chronique de cette semaine. Parce que là, tu veux pas envoyer le jingle? Il y a pas... Il y en a pas, mais je peux t'en faire un, là. Hey. Non, ça va. Mais attends, ça fit-tu avec une chanson... Ben, pas une chanson, mais un genre de hit un peu ancestral? Vas-y donc. La chronique bizarre à Stéphane. Mais là, c'est parce qu'on dirait que je vais parler de paranormal, ça a aucun lien. Ben, c'est l'Halloween, oui. Ok, ben. ça fait un peu. Bon, ok, c'est l'Halloween. Puis là, je me suis dit, Chris, en 25 épisodes, man, Mathieu, on n'a jamais fait de quiz. Oh! Hein? Puis là, quiz! J'avais pas de nom, fait que je me suis dit, ça pourrait être quiz de poulet. Attends, teste ça. Quiz de poulet, toast au cheese quiz. Quiz de on va-tu chez Quiznos? Ok. Ouais, ben ok, ben là... On est pas bon en impro. Hein. Ah ouais, là, je suis préparé. Ok, ben là, c'est l'Halloween, hein? Cette semaine, ou ouais. Ça va être passé, mais que ça sorte, ou peu importe, on s'en calme. Il y a Halloween quelque part sur le calendrier. Ouais. Puis comme c'est l'Halloween, tu sais qu'Halloween, qui dit Halloween, dit le jeu Halo, puis le groupe de musique Ween. Non? Ok, pour moi, ça vient ensemble. Là. Fait que mon quiz cette semaine, Mathieu, t'es le seul participant, parce que je sais les réponses. Fait que ce que j'ai fait, je suis allé chercher des quotes des jeux Halo, puis des bouts de paroles des tunes du groupe Ween. Ah, c'est-tu Halo ou Ween? Ouais. Faut que tu décides si c'est Halo ou Ween. C'est ça, exact, c'est ça. C'est, okay. J'allais, si tu m'aurais laissé finir de mes explications, j'aurais Halo ça. Halo Ween! Ben, c'est ça le jeu de mots, c'est vraiment ça. Ah, je l'ai trouvé moi tout seul, Halloween! C'était juste ça, j'avais pas de... Non, j'ai des questions pour vrai. Puis là, mais sauf que, tu sais, vu que je trouvais ça simple, avec les paroles en anglais, vu que ceux du groupe Ween, ça rime un petit peu plus, puis c'est un peu plus poétique, entre guillemets, en tout cas, par bout, que les jeux Halo. Ce que j'ai fait, j'ai écrit ça dans Google Translate. Fait que là, ils sont en français. Fait que là, je vais te lire des quotes ou des bouts de paroles du groupe Ween. T'es-tu familier avec un de ces deux trucs-là? Un peu Halo, mais pas tant. Ween du tout. J'ai jamais joué à Halo, puis je connais pas le groupe Ween, pas en tout. Ouais, le groupe Ween. Fait que je suis la meilleure personne désignée pour faire un quiz de même, apparemment. Fait que je te lis la quote, tu me dis si ça vient de Halo ou d'un truc de Ween. C'est bon? Ok. Et pour mémoire, je l'aurais botté le cul la première fois si la dame ne m'a pas arrêté. Halo. Ouais, nice. Un point. T'as-tu, ouais. Je vais compter les points. Là. T'as-tu un centre d'effet de victoire? Non, bof. Ton ping là, japonais. Là. Nice. Un point. Un point. Ok. Engueule mes amis et mes parents, insulte, je breaking mon dos, doing le meilleur que je peux. Oui. Ouais! Hey, c'est le fun en Christ, ce jeu-là. C'est nice. C'est le fun, là. J'espère qu'il n'y en a pas tant. Il y en a pas trop. Encore 2-3. Il y en a 10 000. Ce lac pourrait ne pas avoir été créé par l'action volcanique, ce qui signifie qu'il a été soit construit de cette façon sur le but, ou a été créé par un autre événement cataclysmique. Hello! Ouais, c'était facile. Ils sont faciles, tes questions. C'est comme il y en a que c'est clairement pas un thème de chanson. Ouais, Mais attends, il a renversé en bas d'une nation et à gauche les gens courir vers les collines, mais les mutants que je vois briller leur beauté à moi. Ça, c'est Ween. Chris, oui. Pour vrai? Oui. OK, lorsque vous êtes entré dans la nacelle, vous me dites que quelque chose a été mal dit, que vous n'étiez pas avoir de plaisir, que vous léchez le soleil. Hello! Non, c'est Wing! Oh! Hein? Kiss! Oh, j'ai perdu une vie. Tabarnak, tain. Pour le trouver, il faut oublier les histoires, oublier les légendes, vous aurez à faire plus de marcher sur ses traces. Hello! Oui! OK, on peut arrêter là. Attends, il y en a peut-être une dernière. OK. C'est plate en tabarnak. Excuse-moi. Est-ce que c'est un mauvais segment? Chris, ça a été long. Hein? Ça m'a pris genre 10 minutes de préparer ça tantôt. Attends, sur une maison de free ride de l'ambassade, je vis le gouverneur et ses amoureux se tenant la main. Oui. Ouais. Hey, j'ai eu une faute. T'as 6 points, Mathieu. Fait que tu gagnes. Sick. Non, je sais pas pourquoi je trouvais ça. Je trouvais que c'était une meilleure idée tantôt. Puis là, je pense que je m'attendais à ce que Google Translate décrisse plus les paroles. Puis finalement, t'as, ça... T'as dû faire une traduction d'une langue, prendre ça, puis la traduire en français. OK, on le refait. Non, C'est les mêmes. OK, là, c'est en basque. Zubat bat zuliku kiku. Andy onek. Non, fuck it, là. C'est un peu irrespectueux. Bon, mais ouais. C'était mauvais. Attends, hey, faut que je teste de quoi. Okay. OK, je vais voir ce que ça va donner. OK, une toune de Michael Bublé. Non, mais c'était pas si gros personnage. OK. On va le mettre en... C'est quoi ce langue-là, man? Hmong. H-M-O-N-G. C'est pas... C'est la... Ah, c'est quoi? C'est comme asiatique? C'est pas un petit groupe... Il y a un film, c'est-tu, de Clint Eastwood qui est fait avec des voisins. Comment ça s'appelle? Grand Torino, c'est ça? Ah, ouais. J'ai dit ça, puis... Ah! Eh ben, je me disais peut-être que genre en traduisant en une langue X, en prenant ce qui a été traduit, puis ça, en le traduisant en français, ça allait tout briser, mais non. Même pas un peu? Nope. Bon, ben... À cause de là, traduit de Hmong à français, en fait, la phrase était « I wanna be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart ». Première tune que j'ai pogné de Michael Bublé. Tu peux dire que t'es fan, hein? Là, de Hmong à français, c'est je veux être autour de la collecte des pièces que quand quelqu'un brise le cœur. Mais si on fait de l'anglais vers le français, c'est la même affaire. Je veux être là pour ramasser. Ah non, ok, il y a une petite différence. Bon, tu vois. Je veux être là pour ramasser les morceaux quand quelqu'un brise le cœur. Mais pourquoi il dit le cœur? C'est il breaks your heart. Chris! C'est plate comme segment aussi, ça. Je te dis que Google Translate, c'est pas Babelfish, hein? Oh non! Cet épisode commencé par Babelfish. Babelfish. Et Adibou. Ouais. et Adibou qui fait des gâteaux à Bouzigouloum. Ou Adi? Adi, ouais, c'est... j'avais les deux. Le plus jeune, ouais, c'est ça, moi aussi. Non, le plus jeune, c'est Adibou. Non, ben t'as Adibouchou. T'as Adibou, t'as Adi qui était pour les adolescents. Ish, ben adolescent Christ même pas. Je pense que c'est début. Ouais, non. Genre 10 à 12. Avant que ce soit plus hip de jouer à Adi. Hey non, man, je peux pas boire à soir, jouer avec Adibou. Non, mais quand tu faisais un bon gâteau, c'était le chien qui le mangeait. Puis quand c'était un mauvais gâteau, c'était Bouzigouloum qui le mangeait. Fait que tu pouvais pas donner un mauvais gâteau au chien. Le chien ventouse, là. Ah, ouais. Ouais, il y a une tête de chien, mais il y a un corps en ventouse. Un corps en ventouse? Ouais. Ben, il y a un torse, mais il n'y a pas de pied. C'est une grosse ventouse. Tu dis rien? Non, ça fait vraiment longtemps, man. Ouais, tu c'est connais... vrai, mais je jouais à... T'as-tu joué à un jeu pour enfants avec... Il y a comme une loutre, il y a un truc de vétérinaire. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y a un tournesol qui te parle. C'est vague, là. C'est quoi l'autre en anglais? C'est pas Oscar. Oscar la loutre. Moi, je viens de checker sur Google Images, ça me donne plein de photos de balais. What the fuck? Oscar la loutre, mini planté, le planteur de jouets par plein de pigeons. Quoi? Mais c'est pas ça, c'est sur Etsy. Oscar la loutre. Oscar la loutre, mini planté, le planteur de jouets. Non, c'est pas Oscar. Mais c'est genre jeu pour enfants 90, loutre. C'est-tu en anglais The Otter's Adventure? Non. Bon, ouais, changeons de segment, ça n'a rien, c'est plat. Bon, ben, segment loutre, désolé. Ouais, désolé. Ce sera pas un segment récurrent. Contrairement non. À mon quiz Halloween. La semaine prochaine, vous allez chier à terre. C'était mauvais. C'était bien... Moi, j'étais... Comme, pourquoi depuis tant... Moi, toute la journée, je me suis vraiment dit comme... Hey, ça peut être comique, ça. Puis ça a aucun crise de potentiel d'être drôle, là. Ta diction était même pas drôle. Ben, c'est ça qui est pas, je... Il est même pas... Oh man. Tu sais, là, je m'en veux d'avoir pensé à ça autant. Tu sais, ça serait comme... c'est déprimant. Au moins, c'est le remède du cancer. Ouais. Parce que, ouais, ça, c'est clair que le remède du cancer, ça sort ici, en exclusivité au sorbet. Bah, j'ai un cil dans l'œil, est-ce que ça gosse? Oh. Veux-tu un moment pour t'enlever le cil dans l'œil? Ah, ça va. Je sais pas s'il y a... Y a-tu des podcasts, tu penses, qui parlent de ça, d'avoir un cil dans l'œil? Je sais pas, mais quand il se met, ça fait mal. Quand je ligne, des fois, je vois flou. Peux-tu en parler longuement qu'on aille... peux sûrement faire 10 minutes là-dessus, ton sourcil dans l'œil? Toi, comment tu fais pour enlever ton cil dans ton œil? Ben, tu picasses avec le doigt de même, là. tu le vois comme... T'as pas de truc pour le faire partir. Tu le vois comment je te le montre dans la référence visuelle que les auditeurs peuvent pas voir? C'est comme quand t'as la roquette, t'as-tu un truc? J'arrête de respirer. Ah, moi ça marche pas, hein. Ben ça marche genre. Ben moi ça marche avec acharnement. Ouais, ben c'est un peu ça, là. Fait que je sais jamais si c'est un addon. Mais ouais, ça fait juste que je fais ça comme ça. Ouais. Mais moi souvent, si ça le fait pendant que je retiens mon souffle, ça marchera jamais. Man. On dirait qu'il faut que genre. Faut, quand, si maintenant je retiens mon souffle, ça fait. Ben faut que je fasse genre. Ok, ouais, faut que t'en recommences. Ben, il y avait dans Télé Pirate, Lise Marquis a donné le truc qu'il fallait que tu boives 7 gorgées d'eau. Puis c'est censé passer, genre. Ouais. Moi, même pour vrai, je sais pas si c'est psychologique, mais même quand je le fais essayer à du monde, ça marche. Comme, ben, en fait, c'est psychologique, là, mais c'est dans ça, tu mets un Kleenex sur le top d'un verre plein d'eau, puis tu bois sans le transpercer au travers du Kleenex. Fait que faut pas que tu le tournes. Tu te concentres genre à pas verser ton verre trop vite, pis à pas aspirer trop fort non plus pour pas que ça perce le Kleenex. T'es tellement concentré que ça là-dessus calme, que ça... Hein. Okay, ouais, c'est ça. Ça marche à tout coup. Hein. C'est juste faut que t'ailles un Kleenex pis un verre d'eau. Ben, il y a le dos de... C'est-tu à... Ah, oh, c'était-tu Monsieur un... Kleenex verre d'eau? Ouais, mais le fameux Monsieur Kleenex verre d'eau. T'as pas vu les nouvelles annonces de Mantendo après... pis tout singe bébé, c'est... verre eau calice. Je m'en souviens déjà plus. Mais il y avait un doute dans un super presque parfait que son truc c'était comme. Tu sais, il était un peu péteux, là, comme. Là, il y avait quelqu'un qui avait le hockey. Tu veux arrêter d'avoir le hockey? Là, il met sa main de même. Ben, c'est clair, là, dans un podcast audio. Sa main comme en face du visage de la personne, puis il fait. Il le regarde dans les yeux, puis il fait. Tu n'as pas le hockey. Quelque chose comme ça. Tu n'as pas le hockey. Tu n'as pas le hockey, puis là, ça. Ça marche! Tout le monde capotait. Moi, c'est tellement malaisant. C'est sûr que tu te concentres que là-dessus que t'es plus là, ok? Ben, c'est peut-être ça, mais tu sais, moi, enfin, là, on l'a essayé mutuellement, puis on n'est pas capable. On n'a pas son pouvoir magique. J'imagine, faut que ça soit awkward, genre. Entre vous, c'est pas si awkward. Ouais, là, c'est comme trop. On le fait un peu pince sans rire, puis ça c'est pas assez sérieux. Ouais, ça se peut. Là, je cherche quelque chose pour mon prochain segment. Je sais plus. Je l'avais mis sur mon Google Drive. Je sais pas, hein, que ça. Frère, si on enlevait toutes les attentes, puis on mettait juste des... Hey, mets la musique de segment, puis là, c'est le segment, sans qu'on se parle avant de qu'est-ce qu'on fait, là. Qu'on... ça soit vraiment coupé. Je sais pas si ça serait trop, genre... Je comprends pas. Genre que ce soit juste segment après segment. Qu'est-ce que nos segments sont poches? Check. Non. Non, mais les transitions au segment, genre... Ils prennent autant de temps que les segments, souvent. Mais ils sont meilleurs. Nos segments valent pas la peine, souvent. T'écoutes le show, tu dis, il va y avoir des segments, mais entre les segments, ils sont intéressants le moindrement, tu sais. Tantôt, on parlait un peu d'anxiété en parlant avec des personnes. C'était pas un segment, c'était nous autres qui parlaient. Puis mon segment, on s'entend-tu que... Ah non, mais je parle la transition au segment dans le sens où, du moment qu'on dit, OK, on fait ce segment-là, ah, puis ça part juste dans ce sens-là. Oui. Oh, pff, ben des fois je le fais, ça dépend. Des fois il y en a des drôles. C'est ça, il y a beaucoup de trucs que je vais couper, puis des fois je me dis, oh fuck it, j'aime ça que ça soit un peu garoché puis tout croche. Oui, tu nous écoutes pas en faisant comme, moi, j'aurais pas monté ça de même, comme, Chris, j'espère, esti. je t'en ai parlé un peu tantôt sur Slack. Je me suis rappelé random aujourd'hui que mon père, il disait l'expression « avoir la gueule, ça bute ». Voyons, t'as-tu la gueule, ça bute? Ah, lui, il a vraiment la gueule, ça bute. Quand j'ai fait Chris, j'ai jamais entendu ça de personne de toute ma vie. Hey man, on fait-tu la lecture? Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il faudrait que je t'envoie... Ben, j'ai les ceux-là que tu m'as envoyés. Ouais, mais faudrait que je t'envoie le... ben Chris, je l'ai mis sur Drive, t'es un peu, c'est facile, il faut que je copie le lien. Ah, comme ça, je pourrais couper mais ça. Mais la première que tu m'as envoyée, c'est la meilleure. Ben, c'est le pire, c'est parce qu'il y a un début à ça. Ok, il y a, ok. Il y a un petit début à ça, mais là, c'est parce que... Ça, ouais, ça l'a mis. Je l'ai comme mis dans mon dossier qui a toutes mes affaires de Minecraft, fait que ça a pas rapport. Ah, il y a plein de trucs secrets dans ce dossier-là, là, du Minecraft Show. Ben. Ah oui. Hey, Scoop, ils ont coupé une scène qui était censurée. Je sais pas s'ils vont le mettre au complet sur YouTube. Ça me surprendrait. Mais c'est dégueu, il boit du sang. En tout cas, j'en parlerai pas. Si quelqu'un est curieux, ben, demandez-le. Je te le raconterai dans un autre épisode pour dire c'est quoi. On va vous titiller. Ouais, c'est ça. C'est on fait du clickbait. Ouais, du clickbait de podcast. Du pot bait. Du command bait. Du mail bait. Quoi? Du jail bait. Oh fuck! Là, la police arrive déjà ici. Là. Où les mains, les sorbets? Les sorbets, vous êtes cernés. Ben oui, on travaille devant des ordures de la crise de la journée. On est fatigué, monsieur. Ok. Puis là, ils commencent à nous donner des petits produits naturels pour mais c'est de l'assemblée de où? Du Québec. Ah. Non, c'est ça, bon, pour mettre en contexte, c'est ça, le truc de la gueule sur la butte, c'est que j'ai cherché sur Google, entre guillemets, la gueule sur la butte, puis ça m'a donné deux résultats, dont un, que c'était un transcript de l'Assemblée nationale de 1968, pourquoi, je sais pas, puis là, faudrait juste que je l'ouvre, puis de juste à chercher, au pire, fais CTRL-F, gueule, veux-tu, moi, je trouve ça drôle, ce qu'ils disent un petit peu avant, fait que, moi, je commencerai peut-être à... Monsieur Bellemare, est-ce qu'on doit dire le député? Blablabla. Ok. T'es qui? Je suis qui? Ben, tu veux-tu. Je peux être Monsieur Bellemare. Ok, je vais être Monsieur. Toi, tu vas être Monsieur Michaud et Johnson. Ok. Parce que Johnson, il peut pas dire le truc, c'est ça qui fait que c'est drôle. Ouais, avec Johnson, il est comme le gag de la fin. Hein. Ah, ok. Est-ce qu'on doit dire que le député a la gueule sur la butte? Ah, la gueule sur la butte? Oui, avoir la gueule sur la butte. Si vous voulez qualifier l'expression, mais avoir la vôtre, je ne sais pas où elle est. Mais la sienne, ce n'est pas ça. On demande seulement si c'est français d'avoir la gueule sur la butte. L'expression « gueuler » n'est pas française. Elle fait partie du français vulgaire. Je dirais que Larousse l'a reconnu. Du français argotique de Montparnasse. Oui, mais... Et généralement, lorsqu'on écrit « gueule », on écrit « G » entre guillemets avec trois points de suspension. Comme pour le mot aussi très français qui commence par un « C » qui ne se dit pas et qui ne s'écrit pas non plus. Cochonnerie? Non. Non. C'est tout. Là, Johnson parlait comme Monsieur Michaud, mais c'est drôle ça comme le mot « cochonnerie » Oui? Non. Cochonnerie, non. C'est quoi, le gars, tu sais, il a fait genre quoi? Cochonnerie? Non. Mais tu sais, c'est quoi? Tu sais, l'autre truc que je t'ai mis sur Slack, je me souviens plus trop c'est quoi. On peut peut-être lire sur là. Ouais. C'est cool, là. Mais tu sais, être monsieur, je vais faire Monsieur Choquette. Ok. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui saisissent la relation qu'il y a entre la publicité soufflée et la publicité tout court. Le soleil, ça n'a pas de grandes affaires avec le débat, vous trouvez? Voyons donc! Est-ce que c'est de l'information gouvernementale? Voyons donc! Je ne savais pas. De la manière que c'était présenté. C'est de l'information libérale. C'est de la bonne information. Hop. Pour vous autres? Non, ça c'est toi. Ah, Monsieur Choc... Ah, Chris! Ah ben, c'est pas grave. C'était pas tant d'autres. Hey, man, on réussit à acheter nos segments de cette ligne. Deux secondes. Ok. Mais ben, tu sais, fais. On la refait dessus. fais Monsieur Tremblay, vu qu'il vient de chez Koutimi. Okay. Parce que c'est drôle, parce que c'est le seul. C'est le seul qui, entre parenthèses, c'est précisé Chicoutimi, puis c'est le seul qui s'appelle Tremblay. La couleuvre est sortie de dessous la pierre. Ce n'est pas une couleuvre, c'est un boa. Oui, encore, si le premier ministre préfère un boa. Un boa constricteur. On dirait une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça, mais c'est... En tout cas, c'est pour dire que je sais toujours pas ce que ça veut dire avoir la gueule sur la butte. Mais je trouvais ça comique que ça soit dans un transcript de 1968 de l'Assemblée nationale. Parce que qu'est-ce que c'est random? Peut-être parce que but... Ah, c'est peut-être... J'ai pas essayé avec un T. Gueule sur la butte. Non. Ça me donne des trucs de Lucien Bouté. Bon, ben... pour sûr... Parce que oui, sinon, il y a deux liens sur Google. Il y a ce PDF-là. Puis sinon, il y a un truc de... Sur le site leclubdehockey.com. Que ça parle d'expression comme « faire un super corriveau, se péter la gueule sur la butte molle ah. ». C'est quand tu dis « faire un super corriveau ». Mais... Chris, je vais aller voir ça, cette page-là. C'est des expressions de joueurs de hockey. Penses-tu que c'est vrai? Ouais. Penses-tu que c'est des vraies expressions ou c'est genre c'est des blagues? Genre d'affaires en entrevue, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est « faire un super robidou » Je sais pas trop. Snapper à puck. C'est scorer dans son propre but, de son plein gré et avec un tir sans équivoque. Ah. C'est quoi faire un manuel robidou? Je sais pas. Scorer dans son propre but, par accident, avec sa main. C'est bien précis, avec sa main. Ben parce que c'est. En fait, c'est des. Ah, c'est ça, Chris, parce que ça commence, je les ai là à l'envers. Ça, le premier, c'est faire un robidou, scorer dans son propre but par accident. Là, t'as comme différents niveaux de Robidou. T'as faire un manuel Robidou. On dirait des trucs de skate. Hein. Y a-tu Goofy Robidou? Hein? C'est-tu 360 Robidou? Hein? Backflip Robidou! Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Comme, dis, écoute, moi, t'sais, j'écoute pas de sport. Fait que, t'sais, écoutez-vous les séries, genre, pis là, Chris, il vient de faire un Raymond! Ben, je pense pas que Robidou, Sven, ça doit jamais arriver. Le fait qu'il score dans son but. Hein. On s'entend-tu que Robidou, à part être un mauvais gag répétitif dans Radio Enfer, ça sert pas à grand chose. C'est ça que j'allais dire, c'est dans Radio Enfer, Robidou. Qui risque, hostie, que j'étais tanné de ça. Ouais. Comme disaient les Robidou, ta gueule, hostie. ils ont tout refait leur personnage dans les autres saisons, c'est pas pour rien. Faire un Raymond, c'est soigner dans le beurre en voulant faire un one-timer sur une passe parfaite. Un one-timer sur une passe parfaite. Ok, un dernier, c'est tu sais quoi faire un Martin? C'est rater le filet par beaucoup en tirant d'une position parfaite au milieu de l'enclave et à moins de 5 pieds du but. Hey, là, Chris, là, c'est... Là, c'est une chier ta shot. C'est précis du calvaire, là. Genre plus que 5 pieds, c'est quoi? 6 pieds? C'est ça. Oh! Là, je suis sûrement en train de lire quelque chose que... Mais c'est fou, les expressions québécoises. Hein. Mais genre, sais-tu... Tu sais, c'est peut-être juste un genre de club de hockey local, puis ils ont un peu... Ah, oh, Chris! Ah, oh, man, c'est pour ça! Ah, oh, man, il y a Jeff Provençal, puis c'est pour ça! C'est ça! Ben oui, Mon Plaisir, Corriveau, c'est les noms des appendices, c'est plein d'humoristes qui jouent ensemble. Tabarnak! Ah, oh, bravo! Oh, wow! Wow, ok, bon, ben, là, je me sens con. Ah, mais c'est pour ça, Asti, genre, ok, bon, ben oui, c'était pas... Je trouvais aussi que les noms ressemblaient aux appendices, mais là, bon, ben... Là, le clubdehockey.com, on s'entend, là. C'est vrai que le design du site est un peu trop propre pour un site de hockey. Oups. Puis oui, j'avais juste à regarder les photos. t'as plein de photos avec déjà des appendices puis d'autres mondes qui ont l'air déprimés qui jouent dans un gymnase. Puis ils font on n'est pas bon. J'ai envie de l'air déprimé ces photos. Bon, ben, Chris, désolé. C'est sûr que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Puis que... Mais Chris, ça fait quand même partie des deux seuls sites qui s'est mentionné sur Internet gueule sur la butte. Ouais. C'est parce qu'il faut dire sué à butte, genre. Mon père disait ça, ou Yel sué à butte. Yel sué à butte, peut-être Yel. Man, j'essaie de trouver des expressions québécoises drôles, mais c'est tous des trucs que j'ai déjà utilisés. Ça, ça va être quoi? On va tomber sur une autre affaire connue. Ça me bouillonne dans le fond de la flûte. Ça sera pas qu'une maladie? Avoir une envie urgente d'aller aux toilettes. Ça me bouillonne dans le fond de la flûte. Oh, c'est malade. Mais ça sonne pas, on dirait. Ça sonne pas comme juste aller aux toilettes. Là. Ça sonne comme j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas, puis je filme pas non plus, puis j'ai un peu mal partout, incluant là. Hey, c'est un épisode weird cette semaine. Hein? Hey, ben, j'ai une vraie question que je me demandais l'autre jour en me réveillant. Tu sais, quand tu rêves. Ouais. Quand tu rêves puis que tu sais, tu te souviens de certains mots précis ou des dialogues précis ou quelque chose que quelqu'un t'a dit dans un rêve ou quelque chose que tu disais. Puis t'es plus sûr après quand t'es plus sûr après, mais sais-tu ce que penses-tu quand on rêve, on entend ces mots-là ou on perçoit quelque chose qui ressemble à ça, puis quand on s'en rappelle, on associe ça avec des mots qu'on connaît. Moi, je pense qu'on l'entend dans ça, c'est au lieu que le son soit activé par genre des vibrations dans ton oreille, c'est juste ton cerveau. Tu sais, dans ça, c'est une réaction de ton cerveau à ça, mais le fait que t'entends la voix, c'est ton cerveau qui utilise ça, fait que je pense qu'il peut juste l'activer d'une autre façon, puis tu l'entends dans ta tête. Mais penses-tu que si quelqu'un te parle dans un rêve, puis que tu te souviens d'une phrase précise qui te dit, c'est-tu ça qui t'a dit, genre, c'est-tu ça que t'as entendu dans ta tête à ce moment-là, ou c'est en se rappelant qu'on rapportait des affaires avec ce qu'on connaît de familier. Parce que je me demandais, parce que je pensais à ça comme souvent, dans des rêves, je vais rêver à du monde qui n'existe pas. Genre, c'est des faces qui n'existent pas, puis c'est pas relié à personne, mais quand je me réveille, j'associe ce monde-là à du monde qui existe, même si je sais que c'est pas eux autres que je rêvais. Fait que, tu sais, ça devient où j'associe un endroit à une place réelle, précise, puis ça n'a aucun lien. Ouais, mais moi, c'est plus dans le rêve, je sais que visuellement, c'est pas la personne, mais genre, je sais que c'est telle personne, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais ça fait souvent ça, mais la plupart du temps, en fait, c'est pas visuellement, c'est pas la personne, genre, mais c'est je le sais que c'est cette personne-là. Genre. Mais tu le sais sur le coup ou tu le sais quand tu te réveilles? Oui, dans le rêve, c'est ça, je sais sur le coup. Ok, mais peut-être qu'on entend vraiment ces mots-là. Ah, je pensais à ça, parce que des fois, ça m'arrive que je rencontre du monde puis on parle en anglais dans mon rêve, mais c'est super fluide. Là. Puis en anglais, je suis assez rouillé que je peux pas parler fluide comme ça. En tout cas, pas maintenant, parce que je suis pas assez imprégné de ça ces temps-ci. Mais tu sais, dans mes rêves, ça a l'air fluide, ultra. Genre, mais c'est-tu moi qui s'en souviens fluide? Ou c'est vraiment arrivé comme ça? Ou je pense que ça l'est? Ou je pense que. Ou même, c'est juste des mots ou des signaux, genre, qui font comme. Il a dit telle affaire, mais je le sais que c'est ça qu'il me dit, mais ça. Il a dit blablabla, tu sais. Ouais, parce que t'as pas le temps. Mais c'est dans ça, y a plus de concept de temps dans le rêve. Fait que ça, ça pourrait être comme un quart de seconde, tu sais exactement c'est quoi l'échange juste parce que c'est ton cerveau qui le crée. Fait que c'est comme, tu sais l'output, puis qu'est-ce qui dit quoi. Ça peut être ça aussi en français. Ça veut dire, tu sais, dans le fond, ce qui se passe vraiment, c'est un dude qui fait blablabla, mais toi, tu l'interprètes tout de suite par des mots. Genre. Fait que dès ce moment-là, tu t'en souviens comme des mots. Ouais. Parce que je vois pas, dans ma tête, ben, si tu y penses, il n'y a pas tant de grosses différences entre te rappeler quelque chose puis le vivre, tu sais, dans le sens, à part par rapport à juste objet dans le milieu du cerveau, tu sais, dans le sens de, mettons le son ou des trucs comme ça, attends, j'ai pensé à ça avant, hier, man, puis là, c'est vague, attends, dans le sens où les stimuli que t'as à l'extérieur, genre, ça va comme activer de quoi dans ton cerveau, pis c'est ton cerveau qui va faire les interprétations, mais ton cerveau est capable de les faire sans ces stimuli-là, tu sais, dans ça, il y a déjà le bagage pour décoder ça, ce qui fait qu'il est capable d'avoir la réaction dans le cerveau. Ok, ouais, dans le sens. Mais ce qui fait que t'es pas obligé d'avoir ça, fait que t'es capable de tout avoir, c'est juste, c'est ton cerveau qui va l'initier plutôt que tes yeux et tes oreilles, genre. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, ça n'a aucun rapport. Ça peut n'avoir aucun... Mais... Mais ça a du sens. Tu sais, c'est comme un aveugle va imaginer des trucs dans sa tête aussi. Ouais. Puis c'est sûr qu'en plus, ils imagineront pas comme on les voit nous, mais il y a quand même... C'est sûr que sa version... Ouais, il me semble. Tu sais, en fait, j'imagine quelqu'un qui est aveugle complètement, n'a pas de référent visuel de rien, mais il doit avoir l'équivalent de ce qu'on a de nous autres quand on imagine du visuel, tu sais. Mais tu sais, même si littéralement, t'as pas une image qui s'imprime dans tes paupières, là, tu sais, mais tu sais, t'es capable de visualiser des faces pis des trucs, fait que c'est... Ça doit être d'autres choses, je sais pas. Je pense aussi que ça dépend à quel point tu l'entraînes. Il y a comme des... Il y a un gars qui se rappelait d'absolument tout. C'était un gars qui avait été étudié, puis lui, c'est genre... Sa méthode... Ben, c'est la méthode la plus comme connue puis la plus utilisée pour te rappeler. C'est genre, dans ta tête, tu fais une... C'est un endroit précis que tu connais, puis tu vas placer des objets. Ouais, puis, tu m'en as parlé de ça. Ouais, c'est ça. Puis le gars, c'est genre, c'était tellement poussé que, tu sais, il plaçait ses objets, il se rappelait d'absolument tout. Sauf des fois, il se rappelait pas, mais c'était, mettons, il avait placé un œuf devant un mur blanc, fait qu'il était pas capable de le voir, genre. Oh shit! C'est tout dans sa tête, là. C'est pas, tu sais, il se promenait pas chez eux, mais c'est comme lui, il vit tout le temps dans sa tête. Genre. Ben, il fait tout le temps ça dans sa tête, fait qu'il était habitué de triggerer de cette façon-là, genre. Mais c'est weird que tu le vois pas parce qu'il est blanc, tu sais, que t'as pas. Ouais. Que ça veut dire, ça veut dire que c'est vraiment le souvenir visuel qui se souvient, non pas l'idée d'un œuf devant un mur. Là. Ouais, ben, en fait, je pense que c'est plus c'est la mémoire spatiale. Là. Il sait, tu sais, c'est dans sa tête, il va se promener. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'il l'aurait vu, c'était purement mémoire spatiale. Là. Ouais. C'est peut-être juste parce que l'image qui est imprégnée dans son image mentale, c'était blanc sur blanc, fait qu'il voyait plus quelque chose. Genre, c'était, mais bref, c'est fou comment ça peut être vivide. C'est un mot français, vivide? Vif? Non, pas non, vif. Attends. Oui. Un mot français. Qu'est-ce qu'on apprend des choses cette semaine au sorbet? Sens 1. Permet de qualifier toute chose ou personne qui possède un éclat particulièrement vif, presque éblouissant. Ouais, c'est ça. Ben, on a appris ça. Fait que la leçon de cette semaine, c'est que si vous imaginez des œufs devant les murs, arrangez-vous que le mur soit pas blanc et ou d'avoir un œuf de Pâques. Un œuf brun. Ah, un œuf brun aussi, c'est plus simple. Pas besoin de le peindre. Ou un œuf fondant. Oh. Mais pas devant un mur brun, c'est déballé. Sinon, faites un trou dedans pour que ça coule. Ah, mais là, il va tout couler. Il va rester le brun puis il va avoir de l'œuf à terre, c'est pas la même affaire. Mais là, si t'imagines le fondant ouvert qui coule, il coule-tu à l'infini ou à un moment donné il coule plus? Ouais, je sais pas, j'imagine. T'sais, il reset-tu? T'as-tu l'image de, il remplit-tu à chaque fois que tu y repenses? Je sais pas, j'imagine ça dépend lui combien de fois il retourne dans sa tête, là. Puis si ça change ou non, si ça bouge dans ses images bougent ou non. Ça me faisait ça avant, plus quand j'étais jeune, quand j'essayais de m'endormir puis je m'endormais pas, puis tu repenses à une pensée, mais en boucle. Ouais. Genre, c'est même pas des affaires désagréables nécessairement ou rien, c'est juste que c'est comme une affaire bien précise, genre, mais c'est tout le temps ça. Pour une raison X, genre un crayon, je sais pas, genre, mettons... un crayon. Ben oui, genre, je cherchais des objets sur mon juste bureau. Juste un crayon. Mais genre, un crayon, mettons le crayon il tombe, mais tu te rappelles juste un crayon qui tombe en boucle, ça me faisait ça. Ah ouais? Quand j'étais jeune, ouais, mais je dormais fucking pas bien. À cette heure, je dors comme un mononcle. Ouais, moi non plus, mais moi je me concentrais sur le fait que j'avais mal au ventre. Ah, ok, ouais, bon. Je suis tout genre, oh, j'ai mal au ventre. Ça... non, mais c'est pas vrai. Oui, j'avais ça, mais pas sur des trucs de main, c'était plus sur la mort, puis des trucs comme ça. Sur l'enfer, puis. Mais là, ça va mieux depuis que t'es accouché, puis t'es rendu athéiste. Ouais. Yep. Tu penses pas régulièrement à l'enfer? Non, c'est juste quand j'étais tout petit. Moi, j'avais peur que ma maison brûle. Tout en peur de ça. Ouais, je faisais toujours des cauchemars de feu. Puis de. Dans le fond, c'est juste parce que je voulais pas perdre mon matériel. Quand tu disais, comme je veux pas perdre mes jouets puis mes jeux. Je veux pas perdre mon Super Nintendo. Mais... Ça te faisait ça, c'est rêver à genre, t'as toutes les cassettes de Super Nintendo. Oh, tabarnak, man. C'est pas... que quand je me réveillais, je voulais mourir. Mais le pire, c'est que non, je rêve pas que je les ai toutes. Je rêve que j'en magasine. Genre, je rêve que je rachète des jeux rétro. Je suis comme, oh, Christ, c'est-tu de magasin malade? Puis c'est tout le temps Tu sais, c'est tout le temps des genres de jeux bootleg qui existent pas, genre le style de Mario dans l'espace 15, là, tu sais, pis c'est toutes des affaires qui existent pas, pis c'est quand même nice, pis hein, ils ont sorti ce jeu-là sur cette console-là. Wilfred Fusil. Pis tu sais, je me fais vraiment comme un add to cart, là, tu sais, j'ai vraiment un panier à ce type de jouets, okay. Pas de jouets, mais de jeux, pis de cassettes rétro, pis de patentes. Pis je perds l'entièreté de mon rêve dans cet hostie de magasin-là que je sais que je vais me réveiller pis j'aurai rien dans mes mains. Tu sais, sors dehors, hostie. Tu sais, sors dehors, va voler. Chier, hein? Le pire, c'est que je les achète sûrement, là. Tu sais, je vais à la caisse pis je paye pour ces jeux-là, tu sais. Ouais. Non, mais je me rappelle, il y en a un qui m'avait marqué quand j'étais petit. C'était genre, on rentrait dans la maison, dans mon rêve. Pis à la porte, à terre, à droite, genre, il y avait une caisse avec genre 30 jeux de Super Nintendo. Mais j'étais comme, oh my god! Pis je me réveille pis j'étais comme, oh. J'en ai encore une deux. Oh, man. C'est un petit. Ah, oh. Oh, c'était constamment, là. Ouais. Ça m'arrive encore. Ça, pis des rêves que je suis en retard pis qu'il faut que j'aille à l'école. Ah, oh, Chris. Le rêve qui m'en revient souvent, là, c'est faut que j'aille à l'école, mais que j'étais en milieu de session, j'ai jamais étudié le cours, pis j'ai jamais fait de devoirs, oh, pis j'étais en train de. Moi aussi. Mais c'est tout le temps. Oui, comme, il faut que j'aille faire un examen. Oui. Genre, oh, c'est okay, comme ça, tu sais, là, faut, tu sais, je pars tout le temps de chez nous, d'un équivalent de loin de l'école, pis faut que je me rende, pis je suis tout le temps en retard, pis je suis tout le temps en train de me dire, Chris, je me souviens de rien de cette matière-là, fait que je sais ça, je suis jamais allé. Comment ça, je peux aller au cours, jamais. Pis ça me stresse, là, ça me fait des nuits que ça me tue, là, Chris, que ça me, c'est. Ouais, moi aussi. Pis c'est vrai que t'es soulagé, là, tu sais, je vais plus à l'école, là, ça fait quoi, depuis quand le bac? Ça fait 4 ans, quasiment? Ouais, c'est ça. Ça fait 4 ans, là, tu sais, fuck. Ça va être ça, toute ma crise de vie, j'imagine. Ça, puis rêver c'est que comme je les travaille, rêves. Là. Ouais, ou les rêves que tu te rends compte que c'est un rêve, je sais pas si ça t'arrive. Ça m'arrive, mais pas assez souvent. Mais j'essaie de prendre contrôle de la situation, là. Ouais, c'est ça. Mais la plupart du temps, c'est comme. Ouais, il y a une fois, c'est genre, je me promenais, je pense que je l'avais compté. Ça se peut. J'avais une casquette. Ou je l'ai dit, je pense que je l'ai même déjà compté. Genre, je me prenais, j'avais une casquette. J'ai jamais de casquette. Mais là, je l'enlève, j'ai comme. Ok, puis là, il y en avait une autre, j'étais comme, what? C'est un rêve! Là, j'étais dans une rue avec plein de maisons, j'étais comme. Man, je me demande si genre, je vois, mais dans ces moments-là, je me demande tout le temps en me réveillant si je rêvais, je savais que je rêvais ou si je savais pour vrai, je rêvais puis je contrôlais. Ou c'est plus, tu sais, le rêve en tant que tel, c'était juste, le rêve, c'était le fait que je sache que je rêve. Non, je pense que j'ai pas le contrôle. Je pense que tu contrôlais pour vrai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains rêves que j'ai vraiment 100% du contrôle. Ouais, non, c'est aussi, moi, je dis ce que, surtout même des rêves, qu'il y a beaucoup de rêves que je vais faire que je suis incapable de bouger ou de parler. Je pense que j'en ai déjà parlé en plus dans le podcast, mais tu sais, ça fait que je me réveille en criant comme un con. Mais je crie pas, genre, de quelqu'un qui est allé dans l'armée et qui est comme post-traumatique. Genre, je crie comme. Ouais, PTSD. Ça, je suis pas capable. Tu sais, mon corps, on dirait qu'il comprend pas, qu'il sait pas comment crier si je suis pas réveillé. Fait que. je sais pas ce que ça fait. Mais là, qu'est-ce que tu faisais? C'était vraiment un cri weird, je sais pas. Là. C'est le temps de cette niaiserie. Ah, ben là, il y avait un ninja en Lego, là, pis il était méchant, là. Un Lego géant. Les fameux non, Lego c'est, géants. Ouais. Pis en plus, cette fois-là, c'est genre l'affaire avec les casquettes. C'est comme, je suis rentré d'une maison. J'étais comme, il y avait un couple qui mangeait. J'étais comme, Viens t'asseoir! C'est que je me suis réveillé. En plus, c'est un couple de vieilles comme personnes de 40-45 ans. C'était-tu des belles personnes? Non. C'est qui était mal. Non, mais c'est le genre de rêve que t'es comme, il va avoir du sexe. Puis là, je me réveille. Genre. Ça fait souvent ça. Genre. Ouais, tout le temps juste avant. Cadran, ouais, c'est ça. Cadran qui sonne ou choc qui a faim qui est dans ta face. T'es comme, Donne-moi à manger, t'as oublié de m'en mettre hier soir. Oh fuck, excuse-moi, choc. Crise de plaie. Bon. Ouais, ben, sur cette. Remballons tranquillement. Ouais, ben, vas-y, t'as l'air. Onirique. Ben, je viens de plugger le mot onirique. C'est un Pokémon, ça? Ah, c'est Onyx, ça. Ah, ben, c'est pas son évolution. Ah, onirique, c'est par rapport au rêve. Ça se peut. Mais en fait, je dis ça, mais je suis même pas sûr. Ah, si, j'espère que ce soit pas ça, que ce soit aucun. Qu'il n'y ait aucun lien. Ouais. Attends. Ça a la pire affaire. Ça a rapport avec du parmesan. Ouais, qui rappelle, puis évoque le rêve, qui est inspiré par le rêve. OK. Relatif au rêve. Bon, rappelle que c'était notre spécial Halloween. Très spooky! Ouais. C'est ça, je vais rajouter des musiques de peur, là. Ouais, t'as... des musiques de peur. des cris de sorcières, puis des chats. T'avais-tu les cassettes d'Halloween, là? Ouais, ouais. Ouais, nous autres, c'est que c'est mauvais, ces cassettes-là? Ouais, à part non, de le Stidol, puis des rires de sorcières, puis des... Ouais, c'est... Ça, c'est un singe. C'est une sorcière. La version jungle. C'est un singe hanté! Oh, oh, oh! Bah ben, j'espère que vous avez passé un bel Halloween. J'espère que vous avez passé un meilleur moment que ce podcast-là. En général, dans votre vie. C'était pas si pire. J'espère que c'est pas le pic de votre vie, ce moment-là. C'est le plus beau moment de ma vie. Ouais, c'était correct. À part mon segment d'Halloween, puis le segment où on lit le truc de l'Assemblée nationale, puis à part le fait que je lisais des affaires d'une ligue d'hockey d'humoristes que je savais pas que c'était une ligue d'hockey d'humoristes. Ah, Chris. Ça, man, c'est quasiment... Tu peux le couper. Ça. Non, je vais le garder. Je fais dur. J'ai gardé le bout des coques dans l'épisode quoi, 7, 8. Je pense qu'on peut garder quand on a l'air d'être des hosties de merde. Vous savez pas de quoi je parlais? Allez écouter l'épisode 8. C'est... Oh, Chris. Ouais. C'est que... Ça m... Un bijou. Un bijou? C'est là que vous allez faire. Vous êtes pas amélioré, hein? Ben, je pense... Au moins, une chose est sûre, c'est constant. Ben, non, parce que... Ben, je parle de la qualité, là. Ah ouais, OK. Ben, vu de même. Parce que non, on n'est pas constant, parce que là, on est aux 2 semaines, mais non, des fois, on est aux 3 semaines, puis des fois, on est aux 2 mois. Non, pas de ça, c'est jamais arrivé. Fait que, ben, on fait notre petite routine de fin de podcast. C'est comme nouveau qu'on le fasse. On fait juste terminer. Ben, caractermou.com, écrivez-nous des conneries sur Twitter, interagissez, on répond vite. Je suis assez OCD avec Twitter, fait que je regarde vite souvent quand même. Faudrait que je commence à poster plus. Ouais, ça vaut la peine. Hey. Je pourrais poster ça. Chris, mais je l'oublie. Ben, mêlé, t'as pas Twitter sur ton téléphone? Même pas en plus. Chris, mêlé, sérieux, c'est. Chris, je le mets. Mais qu'un. Attends. Mets-le. Parce que là, c'est tout moi. Là, c'est ça, exact. Là, je vais prendre le mérite pour les belles blagues qu'on met sur Twitter, là. Parce que. Regardez, là, vous êtes en train de pas nous suivre. C'est ça que vous manquez, là. Vous êtes en train de pas nous suivre sur Twitter. Regarde le tweet que j'ai fait. Si un gars de Granby s'appelle Andy, faut-tu l'appeler MD? Et c'est bon, ça a-tu réagi, ce mot? J'ai pas compris, man. Ben, si un gars de Granby s'appelle Andy, faut-tu l'appeler MD? Parce que Granby, on dit Granby, mais ça s'écrit Granby. Non? Elle marche mieux écrit, cette joke-là. Un peu, ouais. Hashtag, ben celle-là, hashtag ça rentre dessus doit être le hashtag qui a le moins rentré ever. Je fais référence à l'excellent segment du Mike Ward Show, ça rentre dessus. Toujours aussi drôle. Ben, OK, ben, routine de fin de podcast pendant que tu te logines à Twitter. C'est fait. Donc, caractermou.com, at caractermou sur Twitter. On s'appelle les sorbets, parce que les sorbets du caractermou, ça rentrait pas, c'était trop long. On tweet un petit peu de nouvelles sur nous autres, puis des conneries. À part de ça, ben, on est sur toutes les plates. Vous êtes en train de nous écouter, donc forcément, vous savez où nous trouver. Mais si vous écoutez ça du site, qui est pas bien beau, ben, écoute, trouvez-vous une meilleure plateforme que d'aller sur tous les sites de podcasts que vous écoutez? Parce que Pocket Cast, allez vous chercher Pocket Cast. Man, c'est du bonbon. Juste le fait que ça retienne quel épisode t'as écouté dans tel podcast, là, ça l'a gamifié mon écoute de podcast. Parce que là, je binge des podcasts pour les avoir à tout écouter. Là, t'as-tu fini de fumer ton spliff? C'est pas vrai. Ça m'a chatouillé l'amidale. Tiens, j'ai tweeté avec notre compte. Ah, Chris, là, je le dis-tu en primeur? Ben, je me dis-tu en primeur, ouais, dans le podcast vas-y, qui va sortir dans une semaine? C'est plus drôle si on le lit. C'est ici, les gazouillis? Hashtag gazouille. Vous êtes les premiers. Ce mot-là, ça me fait mourir. Vous êtes les premiers à savoir qu'on a tweeté ça la semaine passée. Ouais. Puis, ah, ben, dans la routine de fin de podcast aussi, il y a un nouveau 5 étoiles cette semaine. Les étoiles. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Oui! Ouais, que je suis... Ça, genre, c'est comme... Je sais pas si c'est 100% positif, genre... Je suis comme... Ben moi, je pense que oui! Ouais? Ah oui, c'est... Ok, relis-le. Ok. Pertinent et informatif, 5 étoiles. Les animateurs sont toujours bien informés. Extrêmement bien préparés et savent allier parfaitement humour et contenu. Soit ça, où je me mélange avec un autre podcast, puis celui-là, c'est deux gars qui disent de la marde, mais de la bonne marde. Ça finit par mettre de la bonne marde, c'est positif, c'est 5 étoiles. Il aurait pas mis 5 étoiles, s'il fait... Alors, on le sait que c'est un autre personne d'autre podcast, il va pas mettre 0. Non, non, c'est pas... Non, c'est ça je pensais au début. Je pensais que c'était une autre personne d'autre podcast, parce que le nom qui est écrit, c'est Matt Bones. Puis là, je me suis dit, Matt Bones? C'est qui, ce Matt Bones? Puis là, je regardais dans nos interactions Twitter, puis là, j'ai fait le lien tout de suite. Asti, Chris, Matt Bones, j'ai trouvé c'est qui. Puis Mathieu, Matt Bones, ça se trouve à être Mathilde Bonnefoy, la monteuse qui a monté le film Cours le Locourt en 1998. Puis qui a gagné le prix de Ace Eddie Award pour ça. Ah, ouais, c'est sûrement elle. Fait que Mathilde Bonnefoy, merci beaucoup. C'est vraiment gentil, on est vraiment privilégiés que t'écoutes notre podcast. Et c'est comme, j'ai fait comme, waouh, Chris, Mathilde Bonnefoy nous écoute, j'espère que... De Lola au sorbet. Ben là, Chris, c'est parce qu'il y a sûrement d'autres mondes dans ce film-là qui peut recommander. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, à part ça? C'est pas fin, tu nous écoutes, puis je sais même pas ce que tu fais. Bientôt, il nous faudrait des invités. Ben hey, Chris, on devrait-tu... Hey, je pense qu'on devrait commencer à inviter des humoristes. Je pense aussi. Parce que je connais aucun autre podcast qui invite des humoristes. Moi non plus. Non. C'est le premier. Mais, non, j'en connais pas. J'en connais pas d'humoristes. Non, mais tu sais, inviter du monde. Ben, je viens de Saguenay. La moitié du monde, c'est des humoristes, je pense. Oh. Si on se fie au podcast. Puis l'autre moitié, il travaille sur Blue Buzz. Ouais, exact, chez Blue Buzz. Sur Blue Buzz. Arc. Ça existe encore Blue Buzz? Je sais pas. Ça a pas été acheté, genre, par... ça a été acheté par... Genre TVA ou je sais pas quoi. Non, c'est fermé. Ouais, Québécois a mis fin aux activités de Blue Buzz à Saguenay. Ah oui. Parce que Blue Buzz, ils ont-tu fermé? Comme ils ont acheté, puis ça a roulé un petit peu sous Québécois, me semble. Non? Ouais. Ok. Ah, ouais. Oh, puis c'est vrai! Illogica faisait des contrats avec eux autres. Hein, on a travaillé sur un de leurs jeux. Oh shit! Le truc de Dexter. L'avez-vous fini? Oh, Dexter, la série ou l'autre ouais, série? Le jeu, ouais, non, en vrai, là, mais c'était un jeu, genre, trouver les objets. Ah, sais-tu trouver la crise de vin plate? Ouais, c'est ça. By the way, si vous avez pas écouté Dexter, je pense que c'est éviter. Arrêter avant la fin. Ouais, c'est ça. Ou arrêter, je vous dirais, saison 4. Parce que le punch de la saison 4, je l'ai trouvé très bon. Puis ils font rien avec, c'est la crise de merde. Puis après ça, ça dégringole. Puis la saison 8, c'est la pire crise de saison d'émission de télé que j'ai jamais vue de ma sainte vie. Ça vous tente pas de finir... le punch de la fin, il devient un bûcheron. Voilà, c'est le punch de la série. Toute la série mène au fait que c'est un bûcheron. C'est ça le pic de toute cette calice de série-là. C'est un bûcheron. C'est bon, là. Il regarde la caméra à la fin comme... Oh, il regarde la caméra! Wow! T'sais, après, ça vaut la peine. Parce que juste avant, il y a une scène de lui en bateau, puis... Tu vois qu'il fait clairement soleil quand ils ont tourné ça, mais ils ont mis avec des super beaux effets dans After Effects, genre de sombre, là, puis tu vois que c'est comme une tempête, là. Ah, que, Chris, que tu y crois. Hey, ça, là, ça, c'était beau puis bien fait. Hey, ça, là. Donc, interagissez le plus. Interagissez Twitter, notre site web, caractermo.com. Faut nous dire si c'est de la merde aussi. Ouais, mais faites comme Mathilde. Mathilde, bonne fois, nous dit, c'est de la bonne merde, Chris. Merci, Mathilde. C'est sûr que c'est elle. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit elle. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Puis, donc, ben, Chris, on pourrait l'inviter, Mathilde. Dans deux semaines. Fait que dans deux semaines, on invite Mathilde. Ouais. Fait que dans deux semaines. Dans deux semaines, ouais, ça risque d'être intéressant. Tu vas revenir de voyage. Ouais, c'est ça. Si je suis pas une grosse couille, je vais aller voir des podcasts au Podcast Mania. Je vais peut-être parler à du monde. Sûrement pas. Je vais faire. Je serai pas capable de parler à personne. Ouais, non. Fait que j'irai sûrement pas vous parler. Si vous faites des podcasts puis vous êtes là, probablement que je vous parlerai pas. Je sais pas si Mathilde, elle y va, elle. Non, sûrement pas, parce qu'elle doit juste écouter notre podcast puis on n'est pas live au GeekFest. Hein? L'année prochaine. Fait que salut tout le monde et merci. Merci d'avoir écouté. Puis c'est ça. Votez pour savoir si on ramène la chronique Halo et oui. Nice. Bon, ben, en tout cas, juste à pas dire qu'on travaille sur le projet Zéro Noir. Non, je vais couper ce nouille. Pas que le monde sache qu'on parle du projet Zéro Noir. C'est-tu un projet raciste? Non, je savais pas. C'était... Ah, j'ai quasiment envie de tout garder ça pour cette joke-là, mais non.